Chapitre 17e, Trou et pluie. Une vieille femme, marchant avec difficulté, très modestement vêtue, les cheveux blancs couverts d'un vieux foulard, s'approche de Karim. « Ah, si Karim, si Karim !» L'interpellé l'accueille avec respect, réplique « Mouimti, ma petite maman. Ne m'appelle pas si, mais simplement par mon nom. Que puis-je faire pour toi ?» Prise de honte, la vieille femme baisse la tête et demeure silencieuse. « Allez !» l'encourage Karim, « dis-moi ce dont tu as besoin. » Il connaît cette personne depuis environ un mois. Elle vient régulièrement à l'hôpital pour se soigner d'une maladie nécessitant des médicaments et des injections. Le regard a toujours baissé. La vieille femme avoue, très embarrassée. « J'ai besoin d'une seringue, mais on m'a dit que je dois l'acheter. Malheureusement, cette fois-ci, je n'ai pas l'argent nécessaire. » Karim s'apprête à mettre sa main dans sa poche quand Zara la lui retient. « S'il te plaît, laisse-moi lui donner cet argent, moi. » Karim, bien que surpris par cette réaction, veut insister quand il note des larmes briller dans les prunelles de Zara. « D'accord, » consent-il. Zara tire rapidement d'une poche son porte-monnaie, puis offre à l'infortuné malade une monnaie de 200 dinars algériens, l'équivalent du prix d'environ une dizaine de seringues. La vieille femme, stupéfaite, lève son regard vers la généreuse jeune fille et présente la paume ouverte de sa main en signe de refus. « Non, non, j'ai besoin seulement d'acheter une seringue. » Zara pose tendrement sa main gauche sur l'épaule droite de la digne femme et réplique avec une infinie douceur. « Je le sais, Mouima, mais je te prie d'accepter ce que je te donne. Tu en as sûrement besoin. » La vieille femme ne s'y résigne pas. Zara lui prend avec délicatesse la main ridée, maigre et un peu tremblante. Ensuite pose sur sa paume la pièce de monnaie. Enfin, insiste avec tendresse. « S'il te plaît, prends-les. Ainsi tu me feras plaisir en me considérant comme ta fille. » La paume de la vieille femme reste ouverte. Zara la ferme doucement sur la pièce de monnaie. Karim intervient. « Écoute-moi, Imti. Dorénavant, chaque fois que tu en as besoin, viens me voir, d'accord? Considère-moi comme ton fils. Tu me feras ainsi un grand honneur. » Tout embarrassée, la malade salue à plusieurs reprises. Puis, la pièce de monnaie serrée en main s'en va aussi rapidement que le lui permettent ses deux jambes affaiblies. Karim et Zara la suivent d'un regard très désolé. Une fois qu'elle disparaît de leur vue, Karim complimente son ami. « J'ai beaucoup apprécié ton geste envers cette femme. » Il ajoute « Et les larmes de tes yeux. » Cette remarque trouble un peu Zara. Elle se ressaisit et déclare avec simplicité « J'aurais pu être elle. » Elle remarque un voile d'abattement sur le visage de Karim. « Pourquoi cette tristesse ?»« Ce dont a besoin cette infortunée créature, murmure-t-il, elle et tant d'autres, c'est d'une association qui lutte pour la création d'une société où le droit à la santé est gratuit. Autrement, on ne fait que boucher un trou dans une maison inondée de pluie. Et cette pluie, en sont responsables d'abord ceux qui la causent, et ensuite ceux qui la tolèrent.